seul. Comme si j'arrivais sur un cheval sans selle. J'ai vesti seul, normal que je prends seul. Les autres me servent à rien, c'est comme mes places en selle. J'ai rien fait de fou, pourtant les autres m'en veulent. Comme si j'étais leur ennemi. Je ramène le produit que tous les clients veulent. J'arrive, mes clics ennemis. Poteau de partout, ça rafle la cermie. Ça se fait des coups de pute, de combat permis. Ça roule en gros Cayenne, ça touche les remis. La plupart de ceux qui parlent le font derrière mi. Quand je commence, il faut que je termine. Comme un joint, j'écrase la vermine. Les vôtres ou les nôtres, mais à qui la faute à la fin, c'est l'arbitre qui détermine. Quand on joue, c'est jusqu'à la ruine. Dédicace du ponté à l'huile. Ouais, c'est pour les poteaux qui galèrent la gamelle ou des pâtes et du thon à l'huile. On veut être les princes de la ville. Claquer de la monnaie à pire. Dans le bis, on est habile. On veut acheter cash, pas de crédit à vie. Poteau, on galère, viens voir ce qu'on vit. On pisse de pute, viens voir ce qu'on fait. Dans tout ce que t'as, y'a pas de seconde vie. Poteau avec rien, veulent voir ce qu'on fait. On dit pas ce qu'on fait quand on se confie. Les putes esquivent les conflits. C'est quand tu commences à percer que tout le monde veut t'aider, mais seulement pour tirer profit. Tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin. Tu te sens seul dans le ghetto. L'impression que le monde t'a pas là. Tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin. Tu te sens seul dans le ghetto. Tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin. Tu te sens seul dans le ghetto. L'impression que le monde t'a pas là. Tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin. Tu te sens seul dans le ghetto. Parfois je me sens seul, comme si je creusais un gros trou sans pelle. Pour se faire de la peine, il vaut mieux rester seul. L'amitié peut se barrer pour 300 pelles. Avant d'aller en boîte, elle a été un sans pelle. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là si c'était pas sans pelle? Si elle fait la belle, on lui prend pas sans pelle. Je vais essayer de faire un choix quand elle est 300 belles. On fout le bordel, pas de tort sans paix. Je vois toutes les mains, tous les hauts enlevés. On est toujours déterminés, on va déterminer. Ce qui te pousse pas, t'as un tir à t'enlever. Je rentre des terres salvées, je roule à ta santé. Je me sens seul comme dans une baraque hantée. T'es endetté, donc faut pas te vanter. Devant l'argent sale, beaucoup sont tentés. Non, poteau, faut pas dire les choses, juste te ma team, kamikaze, que des télés. Les salles nous embobinent tous les jours à la télé. Je me sens seul comme si j'étais seul dans la mine. Non, faut pas t'en mêler, chacun pour sa peau. Tu réussis seul, je te tire mon chapeau. Depuis toujours, l'état nous mène en bateau. On veut pas manger qu'une part, on veut tout le gâteau. On veut la vie de château. Pas seulement dans nos rêves. Je veux le salaire à pasto. Mais laissez-moi dans mes rêves. On veut la vie de château. Pas seulement dans nos rêves. Je veux le salaire à pasto. Mais laissez-moi dans mes rêves. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. L'impression que le monde te parle, tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. Tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. L'impression que le monde te parle, tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. Tu te sens seul dans le ghetto. Tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto, tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. L'impression que le monde te parle, tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, tu te sens seul dans le ghetto. Comme si le monde était malin, l'impression que le monde te parle. Comme si le monde était malin. Comme si le monde était malin.